Kate Kollwitz est née le 8 juillet 1867 et morte le 22 avril 1945. C'est une sculptrice, graveuse et dessinatrice allemande dont l'œuvre figure parmi les plus représentatives du XXe siècle. Sa vie et son œuvre sont profondément marquées par les deux guerres mondiales, où elle perd son fils et son petit-fils. Et elle met son art au service du pacifisme et d'un idéal social plus juste et un intérêt pour les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. Donc au niveau de sa biographie, elle passe son enfance et son adolescence à Königsberg en Prusse orientale. Et elle reçoit des leçons de son grand-père maternel. Considérant les dispositions de sa fille pour le dessin, son père l'encourage à suivre des cours. Qu'en 1985, elle quitte Königsberg pour Berlin, où elle fréquente l'école de dessin et de peinture. Et un an après, elle revient à Königsberg et suit alors les cours à l'Académie des Arts. Elle séjourne à Munich et elle se fiance à Karl Kollwitz, qui est un étudiant en médecine qui veut se consacrer aux populations pauvres des villes. De 1898 à 1903, Kate Kollwitz enseigne à l'école artistique pour femmes de Berlin. Après une série de gravures intitulée « Une révolte de tisserands », elle réalise une autre série sur le thème de la guerre des paysans. En 1910, elle commence à exercer dans le domaine de la sculpture en s'inspirant du célèbre sculpteur Ernest Barlach. En 1919, Kate Kollwitz est la première femme à devenir membre de l'Académie des Arts de Berlin. Kate Kollwitz mentionne dans son journal que l'art a pour tâche de représenter les conditions sociales des prolétaires. Elle participe également à la tentative de reconstruction d'une unité des travailleurs luttant contre le nazisme. Et avec l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, elle est contrainte de démissionner de son poste à l'Académie prussienne des arts et de sa fonction de directrice de la classe de graphisme. Et on lui retire également sa décoration pour le mérite de la section arts et lettres. Il lui est interdit d'exposer son travail, bien qu'une partie de ses toiles ont été utilisées par les nazis à des fins de propagande. Et le couple Kollwitz est menacé de déportation, mais leur notoriété les protège. Donc maintenant, je vais analyser une œuvre. Donc, elle s'intitule « Plus jamais la guerre ». Et elle a été réalisée en 1974. C'est une lithographie au crayon et au pinceau pour l'occasion de la journée de la jeunesse d'Allemagne centrale à Leipzig du 2 au 4 août 1924. L'événement n'a pas pour seul but de rappeler les expériences horribles des sanglantes années de guerre, mais c'est également pour élever la voix pour empêcher le déclenchement de nouvelles guerres. C'est l'une des affiches les plus célèbres, mais aussi une des plus impressionnantes de Kate Kollwitz. Donc on peut voir un jeune homme, la main gauche posée sur le cœur et le bras droit levé, et simplement ces quelques mots soulignés d'un trait épais, donc on peut penser qu'il crie. Cette œuvre, comme bien d'autres, a une atmosphère sombre, et les traits sont épais et foncés. Cela révèle du traumatisme que Kate a dû endurer suite à cette guerre.